J'suis de la jungle, appelle-moi Mowgli. J'ai le seum, j'suis pas le semi. J'suis toujours solo comme Rémi. Trop gang, c'est la rue Hemi. J'suis du sale à cracher seul. T'es sous mon tympan. J'vis comme un saïen dans un monde où les murs parlent. J'suis de Namek, toujours sur les nerfs. Les yeux marron vert. J'peux pas perdre, trop fier pour mes frères. Sourire à l'envers. J'ai du cran, j'fuck tous tes humains. Mourir, c'est la life. Ouais, maman, j'suis sous thérapie. J'vois le terrain vide. Un moment, faut que j'me pose solo. Croco sur bolo. Calmement, j'fais mes bayenta. J'suis toujours en bas. J'suis du hall, j'suis du bâtiment. La variette, j'la pèse. Et maintenant, j'rêve ma vie d'avant. La jungle qui m'appelle. Ouais, ma belle, maman, j'étais ma pute. Bah ouais, t'es je crame mon pet, j'sers un fantôme dans le banks, dans le banks. J'fais de la bulle, toi tu connais RR de nos vies. Et la haine nous aura servi comme des Yankees. Sous la lune, j'ai le sourire qui pleure, pec incliné. J'prie Allah, non j'l'oublie jamais. Fatiha sous mes lèvres, j'ai l'âme dure, j'dirais pas l'âme pure. Mon lion, mon cassure, sur ma vie, j'ai laissé ma sueur. Du plomb dans mon cœur, fuck mes peurs, fuck ces billets verts. J'l'ai gagné, j'l'ai perds, pas d'acteur. Dans ma mif, on meurt pour nos frères. C'est la tarte, la rue qui nous prend. Qui nous crée, nous forme. Puis à terme, on n'ouvre que des portes où on se prend du ferme. Sur la terre, j'ai brûlé mes ailes. Coco dans ton zen, j'suis déter. J'pourrais tous les ken pour les vies que j'aime. J'fais que tu gagnes, froid dans la rétine. Dans un monde hostile, fuck ton style. Que ce soit face ou pile, j'parais que j'les abîme. Que j'les tords, que j'les tords encore. J'ai changé nos sorts, j'ai pas demandé si c'était hardcore. De vivre comme un mort, j'suis un fleur de haine et de peine. Comme Baba, on s'aime, se rappellera toujours de nos vies. Ce qu'on t'est et ce qu'on sait, j'suis en lion. Fini d'être en chien, fini les vauriens. J'suis comme Zion, alors nos excuses. On sait d'où on vient. Et ta pute, qu'elle soque, qu'elle soque, qu'elle se tire. Sous la capuche, j'ai le mort hardcore. J'respire en rêvant, demain sera meilleur. Qu'on vivra ailleurs, ennuyant. J'paierai depuis tout à l'heure. J'sais que j'vais faire mon cœur. J'ai vu les yeux de ces fils de pute devant le scier à bégayer. Coup de crosse et encore j'suis tigeant de pâte, je t'ai chez les oubliés. En toi et moi qui s'aime le plus, qui souffle le plus, le plus, le plus, le cœur niqué. Élevé dans l'honneur du diban dans tout corbeil, tu peux vérifier. J'ai vu les yeux de ces fils de pute devant le scier à bégayer. Coup de crosse et encore j'suis tigeant de pâte, je t'ai chez les oubliés. En toi et moi qui s'aime le plus, qui souffle le plus, le plus, le plus, le cœur niqué. Élevé dans l'honneur du diban dans tout corbeil, tu peux vérifier.